Hier, je t'ai offert un verre. Je voulais baiser ta femme. Ouais. J'ai deux chaussettes Nike pour entrer dans ta rave. Merci, merci. J'ai garé le Mercedes juste devant le Jersey. Demain, je ferai Bercy. Je connais le Mac et la table, le tueur de la taupe. Un 3 ça va être gratos. Oh, plata, plata, plata. Je les vois gentiment péter, je souris, rené. T'as pas de rhum, on va attacher la tata. J'ai regardé la face, leur verre était traîné. Tire pas la tronche au pote, nous on vient bêler. Whisky jet la regarde, la marque du bronzage. Gita, spem, sus, sus. Digus en moi comme dans une poupée russe. Moyen physique et logistique. Deux glocks qui pendent à mes bretelles. J'fous mon Benelli dans l'étau. Je suis pour vous charcler d'un peu plus près. 36 millions d'amis à taux. On serait locataires si on les avait gardés. J'transpire, j'dors mal. Mon sang fait des bulles, j'pense au pire. Ça conspire, c'est normal. J'en ai trois en platine, ça les fait cuire. J'vais me nourrir, leur haine, pour survivre. J'vais mourir, debout, c'est pas pour rire. J'ai roulé ma face, de la vermine. Une arme, trois carrés de base. J'suis là où ça tire. Y'a pas plus faux qu'un smile. Pas plus vrai qu'un homicide. La vie c'est une ville avec gaz. Tu putes dans la berline. Le truc c'est se poser à l'heure. J'suis jamais en partenaire. Aucune femme pour une et un homme sans cœur. Pour toi j'en ai deux chargeurs. J'rêvais plein de trucs dans des tas de noirs. Aujourd'hui on a tout bien plus. Voilà très triste dans ton regard la fois. J'ai pas le monde de te cesser. Démarre la camionnette. J'ai faim, prépare le barbecue. Dans ta bouche la parole des autres. On est au top, t'es qu'une putain de marionnette. J'aime les culs, je laisse passer les phares. Rien que tu les écartes, t'es l'arnaque du siècle. J'aime le cuir qu'il y a dans l'habitacle. Le tableau de bord, les sièges couleur café crème. Dans la rame, y'a 2-3 vandales. Ils vont poser au spray le mot homicide. Vu que la mort d'un homme, c'est un drame. Celle d'un million, une statistique. Ma go est maquille et ma caisse aussi. J'ai dit aucun souci. T'es pas si chaud à croire ce qu'a dit ta poussée, toi tu t'es adouci. J'suis pueblo comme FOC, j'étais en manif de printemps. Maintenant c'est l'argent de la société qui paie nos vacances en été. Tous les terrains, tous les rentés. Glock sur les R1, sur les RR. Ça fait 2 ans, j'leur mets QLT. J'suis dû faire doucement la portière. J'ai roulé ma patte, de la vermine. Une arme à 3 carrés de base. J'suis là où ça tire. Y'a pas plus faux qu'un smile. Pas plus vrai qu'un homicide. La vie c'est une villa de gaz. Tu putes dans la berline. Le truc c'est se pointer à l'heure. J'suis jamais en retard, jamais. Aucune femme pour une et un homme sans cœur. Pour toi j'en ai deux chargeurs. J'rêvais plein de fric dans des sacs de noir. Aujourd'hui on a tout bien fait. Voilà très triste dans ton regard. J'ai pas le moindre doute si c'est. Le truc c'est se pointer à l'heure. J'suis jamais en retard, jamais. Aucune femme pour une et un homme. Pour toi j'en ai deux chargés. J'arrivais plein de fric dans des sacs. Aujourd'hui on a tout bien fait. Voilà très triste dans ton regard. J'ai pas le moindre doute, c'est sûr.